Chapitre 24. Valentine, plus fatiguée d'un semblable sommeil qu'elle ne l'eût été d'une insomnie, s'éveilla fort tard. Le soleil était haut et chaud dans le ciel, des myriades d'insectes bourdonnaient dans ses rayons. Longtemps plongée dans ce molle engourdissement qui suit le réveil, Valentine ne cherchait point encore à recueillir ses idées. Elle écoutait vaguement les mille bruits de l'air et des champs. Elle ne souffrait point parce qu'elle avait oublié bien des choses, et qu'elle en ignorait plus encore. Elle se souleva pour prendre un verre d'eau sur le guéridon et trouva la lettre de Bénédicte. Elle la retourna dans ses doigts, lentement, et sans avoir la conscience de ce qu'elle faisait. Enfin, elle y jeta les yeux, et, en reconnaissant l'écriture, elle tressaillit et l'ouvrit d'une main convulsive. Le rideau venait de tomber. Elle voyait à nu toute sa vie. Aux cris déchirants qui lui échappèrent, Catherine accourut. Elle avait la figure renversée. Valentine comprit sur-le-champ la vérité. « Parle ! » s'écria-t-elle. « Où est Bénédicte ? Qu'est devenu Bénédicte ?» Et voyant le trouble et la consternation de sa nourrice, elle dit en joignant les mains « Oh mon Dieu, c'est donc bien vrai, tout est fini !»« Hélas, mademoiselle, comment donc le savez-vous » dit Catherine en s'asseyant sur le lit. « Qui donc a pu entrer ici? J'avais la clé dans ma poche. Est-ce que vous avez entendu? Mais mademoiselle Beaujon me l'a dit si bas dans la crainte de vous éveiller. Je savais bien que cette nouvelle vous ferait du mal. »« Ah, il s'agit bien de moi !» s'écria Valentine avec impatience en se levant brusquement. « Parlez donc, qu'est devenu Bénédicte ?» Effrayée de cette véhémence, la nourrice baissa la tête et n'osa répondre. « Il est mort, je le sais !» dit Valentine en retombant sur son lit, pâle et suffoquée. « Mais depuis quand ?»« Hélas !» dit la nourrice, « on ne sait !» Le malheureux jeune homme a été trouvé au bout de la prairie ce matin, au petit jour. Il était couché dans un fossé et couvert de sang. Les métayers de la Croix-Bleue, en s'en allant chercher leur bœuf au pâturage, l'ont ramassé, et tout de suite on l'a porté dans sa maison. Il avait la tête fracassée d'un coup de pistolet, et le pistolet était encore dans sa main. La justice y est transportée sur le champ. Ah, mon Dieu, quel malheur! Qu'est-ce qui a pu causer tant de chagrin à ce jeune homme? On ne dira pas que c'est la misère. Monsieur Léry l'aimait comme son fils. Mais Madame Léry, que va-t-elle dire? Ce sera une désolation. » Valentine n'écoutait plus. Elle était tombée sur son lit, roide et froide. En vain, Catherine essaya de la réveiller par ses cris et ses caresses. Il semblait qu'elle fût morte. La bonne nourrice, en voulant ouvrir ses mains contractées, y trouva une lettre froissée. Elle ne savait pas lire, mais elle avait l'instinct du cœur qui avertit des dangers de la personne qu'on aime. Elle lui retira cette lettre et la cacha avec soin avant d'appeler du secours. Bientôt, la chambre de Valentine fut pleine de monde, mais tous les efforts furent vains pour la ranimer. Un médecin qu'on fit venir promptement lui trouva une congestion cérébrale très grave et parvint, à force de saigner, à rappeler la circulation. Mais les convulsions succédèrent à cet état d'accablement et pendant 8 jours, Valentine fut entre la vie et la mort. La nourrice se garda bien de dire la cause de cette funeste émotion. Elle n'en parla qu'au médecin sous le sceau du secret. Et voici comment elle fut conduite à comprendre qu'il y avait dans tous ces événements une liaison qu'il était nécessaire de ne faire saisir à personne. En voyant Valentine un peu mieux après la saignée, le jour même de l'événement, elle se mit à réfléchir à la manière surnaturelle dont sa jeune maîtresse en avait été informée. Cette lettre qu'elle avait trouvée dans sa main lui rappela le billet qu'on l'avait chargé de lui remettre la veille avant le mariage et qui lui avait été confié par la vieille gouvernante de Bénédicte. Étant descendue un instant à l'office, elle entendit le domestique commenter la cause de ce suicide et se dire tout bas que, dans la soirée précédente, une querelle avait eu lieu entre Pierre Bluty et Bénédicte au sujet de Mademoiselle de Rimbaud. On ajoutait que Bénédicte vivait encore et que le même médecin qui soignait dans ce moment Valentine, ayant pensé le blesser dans la matinée, avait refusé de se prononcer positivement sur sa situation. Une balle avait fracassé le front et était ressortie au-dessus de l'oreille. Cette blessure-là, quoique grave, n'était peut-être point mortelle, mais on ignorait de combien de balles était chargé le pistolet. Il se pouvait qu'il y en eût une seconde logée dans l'intérieur du crâne, et en ce cas, le répit qu'éprouvait en ce moment le moribond ne pouvait servir qu'à prolonger ses souffrances. Aux yeux de Catherine, il devait donc être prouvé que cette catastrophe et les chagrins qui l'avaient précédée avaient une influence directe sur l'état effrayant de Valentine. Cette bonne femme s'imagina qu'un rayon d'espérance, si faible qu'il fût, devait produire plus d'effet sur son mal que tous les secours de la médecine. Elle courut à la chaumière de Bénédicte, qui n'était qu'à une demi-lieue du château, et s'assura par elle-même qu'il y avait encore chez cette infortunée un souffle de vie. Beaucoup de voisins, attirés par la curiosité plus que par l'intérêt, encombraient sa porte. Mais le médecin avait ordonné qu'on laissât entrer peu de monde, et M. Léry, qui était installé au chevet du mourant, ne reçut Catherine qu'après beaucoup de difficultés. Madame Léry ignorait encore cette triste nouvelle. Elle était allée faire le retour de noces de sa fille à la ferme de Pierre Bluty. Catherine, après avoir examiné le malade et recueilli l'opinion de Léry, s'en retourna, aussi peu fixée qu'auparavant sur les véritables suites de la blessure, mais complètement éclairée sur les causes du suicide. Par une circonstance particulière, au moment où elle sortait de cette maison, elle tressaillit en jetant les yeux sur une chaise où l'on avait déposé les vêtements ensanglantés de Bénédicte. Comme il arrive toujours que nos regards s'arrêtent, en dépit de nous, sur un objet d'effroi ou de dégoût, ceux de Catherine ne purent se détacher de cette chaise et y découvrirent un mouchoir de soie des Indes horriblement taché de sang. Aussitôt, elle reconnut le foulard qu'elle avait mis elle-même autour du cou de Valentine en la voyant sortir dans la soirée qui précéda le mariage et qu'elle avait perdu dans sa promenade au bout de la prairie. Ce fut un trait de lumière irrécusable. Elle choisit donc un moment où l'on ne faisait point attention à elle pour s'emparer de ce mouchoir qui eût pu compromettre Valentine et pour le cacher dans sa poche. De retour au château, elle se hâta de le serrer dans sa chambre et ne songea plus à s'en occuper. Elle essaya, dans les rares instants où elle se trouva seule avec Valentine, de lui faire comprendre que Bénédicte pouvait être sauvée. Mais ce fut en vain. Les facultés morales semblaient complètement épuisées chez Valentine. Elle ne soulevait même plus ses paupières pour reconnaître la personne qui lui parlait. S'il lui restait une pensée, c'était la satisfaction de se voir mourir. 8 jours s'étaient ainsi passés. Il y eut alors un mieux sensible. Valentine parut retrouver la mémoire et se soulagea par d'abondantes larmes. Mais comme on ne put jamais lui faire dire le motif de cette douleur, on pensa qu'il y avait encore de l'égarement dans son cerveau. La nourrice seule guettait un instant favorable pour parler. Mais M. de Lansac, étant à la veille de partir, se faisait un devoir de ne plus quitter l'appartement de sa femme. M. de Lansac venait de recevoir sa nomination à la place de premier secrétaire d'ambassade, jusque-là il n'avait été que le second, et en même temps l'ordre de rejoindre aussitôt son chef et de partir, avec ou sans sa femme, pour la Russie. il n'était jamais entré dans les dispositions sincères de M. de Lansac d'emmener sa femme en pays étranger. Dans le temps où il avait le plus fasciné Valentine, elle lui avait demandé s'il l'emmènerait en mission. Et, pour ne pas lui sembler au-dessous de ce qu'il affectait d'être, il lui avait répondu que son vœu le plus ardent était de ne jamais se séparer d'elle. Mais il s'était bien promis d'user de son adresse, et, s'il le fallait, de son autorité, pour préserver sa vie nomade des embarras domestiques. Cette coïncidence d'une maladie qui n'était plus sans espoir, mais qui menaçait d'être longue, avec la nécessité pour lui de partir immédiatement, était donc favorable aux intérêts et au goût de M. de Lansac. Quoique Mme de Rimbaud fût une personne fort habile en matière d'intérêts pécuniaires, elle s'était laissée complètement circonvenir par l'habileté bien supérieure de son gendre. Le contrat, après les discussions les plus dégoûtantes pour le fond, les plus délicates pour la forme, avait été dressé tout à l'avantage de M. de Lansac. Il avait usé, dans la plus grande extension possible, de l'élasticité des lois pour se rendre maître de la fortune de sa femme, et il avait fait consentir les parties contractantes à donner des espérances considérables à ses créanciers sur la terre de Rimbaud. Ces légères particularités de sa conduite avaient bien failli rompre le mariage. Mais il avait su, en flattant toutes les ambitions de la comtesse, s'emparer d'elle mieux qu'auparavant. Quant à Valentine, elle ignorait tellement les affaires et sentait une telle répugnance à s'en occuper qu'elle souscrivit, sans y rien comprendre, à tout ce qui fut exigé d'elle. M. de Lansac, voyant ses dettes pour ainsi dire payées, partit donc sans beaucoup regretter sa femme, et, se frôlant les mains, il se vanta intérieurement d'avoir mené à bien une délicate et excellente affaire. Cet ordre de départ arrivait, on ne peut plus à propos, pour le délivrer du rôle difficile qu'il jouait à Rimbaud depuis son mariage. Devinant peut-être qu'une inclination contrariée causait le chagrin et la maladie de Valentine, et dans tous les cas se sentant fort offensé des sentiments qu'elle lui témoignait, il n'avait cependant aucun droit jusque-là d'en montrer son dépit. Sous les yeux de ces deux mères, qui faisaient un grand étalage de leur tendresse et de leur inquiétude, il n'osait point laisser percer l'ennui et l'impatience qui le dévoraient. Sa situation était donc extrêmement pénible. Au lieu qu'en faisant une absence indéfinie, il se soustrayait en outre aux désagréments qui devaient résulter de la vente forcée des terres de Rimbaud. Car le principal de ses créanciers réclamait impérieusement ses fonds, qui se montaient à environ 500 000 francs. Et bientôt, cette belle propriété, que Madame de Rimbaud avait mis tant d'orgueil à compléter, devait, à son grand déplaisir, être démembrée et réduite à de chétives dimensions. En même temps, M. de Lansac se débarrassait des pleurs et des caprices d'une nouvelle épousée. « En mon absence, se disait-il, elle pourra s'habituer à l'idée d'avoir aliéné sa liberté. Son caractère calme et retiré s'accommodera de cette vie tranquille et obscure où je la laisse. Ou si quelque amour romanesque trouble son repos, eh bien, elle aura le temps de s'en guérir ou de s'en lasser avant mon retour. » M. de Lansac était un homme sans préjugés, aux yeux de qui toute sentimentalité, tout raisonnement, toute conviction se rapportait à ce mot puissant qui gouverne l'univers, l'argent. Madame de Rimbaud avait d'autres propriétés en diverses provinces, et des procès partout. Les procès étaient l'occupation majeure de sa vie. Elle prétendait qu'ils la minaient de fatigues et d'agitations. Mais sans eux, elle fut morte d'ennui. C'était, depuis la perte de ses grandeurs, le seul aliment qu'eussent son activité et son amour de l'intrigue. Elle y épanchait aussi toute la bile que les contrariétés de sa situation amassaient en elle. Dans ce moment, elle en avait un, fort important, en Sologne, contre les habitants d'un bourg qui lui disputaient une vaste étendue de bruyère. La cause allait être plaidée, et la comtesse brûlait d'être là pour stimuler son avocat, influencer ses juges, menacer ses adversaires, se livrer enfin à toute cette activité fébrile qui est le ver rongeur des âmes longtemps nourries d'ambition. Sans la maladie de Valentine, elle serait partie, comme elle se l'était promis, le lendemain du mariage, pour aller s'occuper de cette affaire. Maintenant, voyant sa fille hors de danger et n'ayant qu'une courte absence à faire, elle se décida à partir avec son gendre qui prenait la route de Paris et qui lui fit ses adieux à mi-chemin sur le lieu de la contestation. Valentine restait seule pour plusieurs jours avec sa grand-mère et sa nourrice au château de Rimbaud. Chapitre 25. Une nuit, Bénédicte, accablée jusque-là par des souffrances atroces qui ne lui avaient pas laissé retrouver une pensée, s'éveilla plus calme et fit un effort pour se rappeler sa situation. Sa tête était empaquetée au point qu'une partie de son visage était privée d'air. Il fit un mouvement pour soulever ses obstacles et retrouver la première faculté qui s'éveille en nous, le besoin de voir, avant celui-même de penser. Aussitôt, une main légère détacha les épingles, dénoua un bandeau et l'aida à se satisfaire. Il regardait cette femme pâle qui se penchait sur lui, et, à la lueur vacillante d'une veilleuse, il distingua un profil noble et pur qui avait de la ressemblance avec celui de Valentine. Il crut avoir une vision et sa main chercha celle du fantôme. Le fantôme saisit la sienne et y colla ses lèvres. « Qui êtes-vous ? » dit Bénédicte en frissonnant. « Vous me le demandez ? » lui répondit la voix de Louise. Cette bonne Louise avait tout quitté pour venir soigner son amie. Elle était là jour et nuit, souffrant à peine que Madame Léry la relaya pendant quelques heures dans la matinée, se dévouant au triste emploi d'infirmière auprès d'un moribond presque sans espoir de salut. Pourtant, grâce aux admirables soins de Louise et à sa propre jeunesse, Bénédicte échappa à une mort presque certaine. Et un jour, il trouva assez de force pour la remercier et lui reprocher en même temps de lui avoir conservé la vie. « Mon ami !» lui dit Louise, effrayée de l'abattement moral qu'elle trouvait en lui. « Si je vous rappelle cruellement à cette existence que mon affection ne saurait embellir, c'est par dévouement pour Valentine. » Bénédicte tressaillit. « C'est, continua Louise, pour conserver la sienne, qui en ce moment est au moins aussi menacée que la vôtre. « Menacée ? Pourquoi ? » s'écria Bénédicte. « En apprenant votre folie et votre crime, Bénédicte, Valentine, qui sans doute avait pour vous une tendre amitié, est tombée subitement malade. Un rayon d'espoir pourrait la sauver peut-être, mais elle ignore que vous vivez et que vous pouvez nous être rendus. « Qu'elle l'ignore donc toujours ! » s'écria Bénédicte. « Et puisque le mal est fait, puisque le coup est porté, laissez-la en mourir avec moi. » En parlant ainsi, Bénédicte arracha les bandages de sa blessure et l'eut rouverte sans les efforts de Louise, qui lutta courageusement avec lui et tomba, épuisée d'énergie, et abreuvée de douleur après l'avoir sauvée de lui-même. Une autre fois, il sembla sortir d'une profonde léthargie, et saisissant la main de Louise avec force, « Pourquoi êtes-vous ici ? » lui dit-il. « Votre sœur est mourante, et c'est à moi que s'adressent vos soins. » Subjuguée par un mouvement de passion et d'enthousiasme, Louise, oubliant tout, s'écria « Et si je vous aimais plus encore que Valentine ?»« En ce cas, vous êtes maudite !» répondit Bénédicte en la repoussant d'un air égaré. « Car vous préférez le chaos à la lumière, le démon à l'archange. Vous êtes une misérable folle, sortez d'ici !» « Ne suis-je pas assez malheureux sans que vous veniez me navrer l'âme de vos malheurs ?» Louise, atterrée, cacha sa figure dans les rideaux et en enveloppa sa tête pour étouffer ses sanglots. Bénédicte se mit à pleurer aussi, et ses larmes le calmèrent. Un instant après, il la rappela. « Je crois que je vous ai parlé durement tout à l'heure, » lui dit-il. « Il faut pardonner quelque chose au délire de la fièvre. » Louise ne répondit qu'en baisant la main qu'il lui tendait. Bénédicte eut besoin de tout le peu de force morale qu'il avait reconquise pour supporter sans humeur ce témoignage d'amour et de soumission. Explique qui pourra cette bizarrerie. La présence de Louise, au lieu de le consoler, lui était désagréable. Ses soins l'irritaient. La reconnaissance luttait chez lui avec l'impatience et le mécontentement. Recevoir de Louise tous ses services, toutes ses marques de dévouement, c'était comme un reproche, comme une critique amère de son amour pour une autre. Plus cet amour lui était funeste, plus il s'offensait des efforts qu'on faisait pour l'en dissuader. Il s'y cramponnait, comme on fait avec orgueil aux choses désespérées. Et puis, s'il avait eu dans son bonheur l'âme assez large pour accorder de l'intérêt et de la compassion à Louise, il ne l'avait plus dans son désespoir. Il trouvait que ses propres maux étaient assez lourds à porter. Et cette espèce d'appel fait par l'amour de Louise à sa générosité lui semblait la plus égoïste et la plus inopportune des exigences. Ses injustices étaient inexcusables, peut-être. Et cependant, les forces de l'homme sont-elles bien toujours proportionnées à ses maux? C'est une consolante promesse évangélique, mais qui tiendra la balance? Et qui sera le juge? Dieu nous rend-il ses comptes? Daigne-t-il mesurer la coupe après que nous l'avons vidée? La comtesse était absente depuis 2 jours lorsque Bénédicte eut son plus terrible redoublement de fièvre. Il fallut l'attacher dans son lit. C'est encore une cruelle tyrannie que celle de l'amitié. Souvent, elle nous impose une existence pire que la mort et emploie la force arbitraire pour nous attacher au pilori de la vie. Enfin, Louise, ayant demandé à être seule avec lui, le calma en lui répétant avec patience le nom de Valentine. « Eh bien !» dit tout d'un coup Bénédicte en se dressant avec force et comme frappé de surprise. « Où est-elle ?»« Bénédicte, » répondit-elle, « elle est comme vous, aux portes du tombeau. Voulez-vous, par une mort furieuse, empoisonner ses derniers instants ?»« Elle va mourir ?» dit-il avec un sourire affreux. « Ah, Dieu est bon, nous serons donc unis. »« Et si elle vivait, » lui dit Louise, « si elle vous ordonnait de vivre, si pour prix de votre soumission, elle vous rendait son amitié ?»« Son amitié, » dit Bénédicte avec un rire dédaigneux. « Qu'en ferais-je? N'avez-vous pas la mienne? Qu'en redirez-vous ?»« Oh, vous êtes bien cruelle, Bénédicte, » s'écria Louise avec douleur. « Mais pour vous sauver, que ne ferais-je pas? Eh bien, dites-moi, si Valentine vous aimait, si je l'avais vue, si j'avais recueilli dans son délire des aveux que vous n'avez jamais osé espérer. » « Je les ai reçus moi-même, » répondit Bénédicte avec le calme apparent dont il entourait souvent ses plus violentes émotions. « Je sais que Valentine m'aime, comme j'avais aspiré à être aimée. Me raillerez-vous maintenant ?»« Ah, Dieu ne plaise !» répondit Louise stupéfaite. Louise s'était introduite la nuit précédente auprès de Valentine. Il lui avait été facile de prévenir et de gagner la nourrice qui lui était dévouée et qu'il avait vue avec joie au chevet de sa sœur. C'est alors qu'elles avaient réussi à faire comprendre à cette infortunée que Bénédicte n'était pas mort. D'abord, elle avait témoigné sa joie par d'énergiques caresses à ses 2 personnes amies. Puis elle était retombée dans un état d'abattement complet. Et à l'approche du jour, Louise avait été forcée de se retirer, sans pouvoir obtenir d'elle un regard ou un mot. Elle apprit le lendemain que Valentine était mieux et passa la nuit entière auprès de Bénédicte qui était plus mal. Mais la nuit suivante, ayant appris que Valentine avait eu un redoublement, elle quitta Bénédicte au milieu de son paroxysme et se rendit auprès de sa sœur. Partagée entre ces deux malades, la triste et courageuse Louise s'oubliait elle-même. Elle trouva le médecin auprès de Valentine. Celle-ci était calme et dormait lorsqu'elle entra. Alors, prenant le docteur à part, elle crut de son devoir de lui ouvrir son cœur et de confier à sa délicatesse les secrets de ses deux amants, pour le mettre à même d'essayer sur eux un traitement moral plus efficace. « Vous avez fort bien fait, répondit le médecin, de me confier cette histoire. Mais il n'en était pas besoin, je l'aurais deviné. Quand même on ne vous eût pas prévenu. Je comprends fort bien vos scrupules dans la situation délicate où les préjugés et les usages vous rejettent. Mais moi, qui m'applique plus positivement à obtenir des résultats physiques, je me charge de calmer ces deux cœurs égarés et de guérir l'un par l'autre. » En ce moment, Valentine ouvrit les yeux et reconnut sa sœur. Après l'avoir embrassée, elle lui demanda à voix basse des nouvelles de Bénédicte. Alors le médecin prit la parole. « Madame, lui dit-il, c'est moi qui puis vous en donner, puisque c'est moi qui l'ai soignée et qui ai eu le bonheur jusqu'ici de prolonger sa vie. L'ami qui vous inquiète et qui a des droits à l'intérêt de toute âme noble et généreuse comme la vôtre est maintenant physiquement hors de danger. Mais le moral est loin d'une aussi rapide guérison. Et vous seul pouvez l'opérer. » Oh mon Dieu, dit la pâle Valentine en joignant les mains et en attachant sur le médecin ce regard triste et profond que donne la maladie. Oui, madame, reprit-il, un ordre de votre bouche, une parole de consolation et de force peuvent seules fermer cette blessure. Elle le serait sans l'affreuse obstination du malade à en arracher l'appareil aussitôt que la cicatrice se forme. Notre jeune ami est atteint d'un profond découragement, madame, et ce n'est pas moi qui ai des secrets assez puissants pour la douleur morale. J'ai besoin de votre aide. Voudrez-vous me l'accorder ? En parlant ainsi, le bon vieux médecin de campagne, obscur savant, qui avait maintes fois dans sa vie étanché du sang et des larmes, prit la main de Valentine avec une affectueuse douceur qui n'était pas sans un mélange d'antique galanterie, et la baisa méthodiquement après en avoir compté les pulsations. Valentine, trop faible pour bien comprendre ce qu'elle entendait, le regardait avec une surprise naïve et un triste sourire. « Eh bien, ma chère enfant, dit le vieillard, voulez-vous être mon aide-major et venir mettre la dernière main à cette cure ?» Valentine ne répondit que par un signe d'avidité ingénue. « Demain ? Reprit-il. Oh, « Tout de suite !» répondit-elle d'une voix faible et pénétrante. « Tout de suite, ma pauvre enfant !» dit le médecin en souriant. « Et voyez donc ces flambeaux, il est 2 heures du matin. Mais si vous voulez me promettre d'être sage et de bien dormir, et de ne pas reprendre la fièvre d'ici à demain, nous irons dans la matinée faire une promenade dans le bois de Vavray. Il y a de ce côté-là une petite maison où vous porterez l'espoir et la vie. » Valentine pressa à son tour la main du vieux médecin, se laissa médicamenter avec la docilité d'un enfant, passa son bras autour du cou de Louise et s'endormit sur son sein d'un sommeil paisible. « Y pensez-vous, monsieur Fort ? » dit Louise en la voyant assoupie. « Comment voulez-vous qu'elle ait la force de sortir, elle qui était encore à l'agonie il y a quelques heures ?»« Elle l'aura, comptez-y, » répondit monsieur Fort. Ces affectations nerveuses n'affaiblissent le corps qu'aux heures de la crise. Celle-ci est si évidemment liée à des causes morales qu'une révolution favorable dans les idées doit en amener une équivalente dans la maladie. Plusieurs fois depuis l'invasion du mal, j'ai vu Madame de Lansac passer d'une prostration effrayante à une surabondance d'énergie, à laquelle j'eusse voulu donner un aliment. Il existe des symptômes de la même affection chez Bénédicte. Ces deux personnes sont nécessaires l'une à l'autre. « Oh, monsieur Fort, dit Louise, n'allons-nous pas commettre une grande imprudence ?»« Je ne le crois pas. Les passions dangereuses pour la vie des individus, comme pour celles des sociétés, sont les passions que l'on irrite et que l'on exaspère. N'ai-je pas été jeune ? N'ai-je pas été amoureux à en perdre l'esprit ? N'ai-je pas guéri ? Ne suis-je pas devenu vieux ? Allez, le temps et l'expérience marchent pour tous. Laissez guérir ces pauvres enfants. Après qu'ils auront trouvé la force de vivre, ils trouveront celle de se séparer. Mais, croyez-moi, hâtons le paroxysme de la passion. Elle éclaterait sans nous d'une manière peut-être plus terrible. En la sanctionnant de notre présence, nous la calmerons un peu. Oh, pour lui, pour elle, je ferai tous les sacrifices, répondit Louise. Mais que dira-t-on de nous, monsieur Fort ? Quel rôle coupable allons-nous jouer ? Si votre conscience ne vous le reproche pas, qu'avez-vous à craindre des hommes ? Ne vous ont-ils pas fait le mal qu'ils pouvaient vous faire ? Leur devez-vous beaucoup de reconnaissance pour l'indulgence et la charité que vous avez trouvées en ce monde ? Le sourire malin et affectueux du vieillard fit rougir Louise. Elle se chargea d'éloigner de chez Bénédicte, tout témoin indiscret, et le lendemain, Valentine, monsieur Fort et la nourrice, s'étant fait promener environ une heure en calèche dans le bois de Vavray, mirent pied à terre dans un endroit sombre et solitaire où ils dirent à l'équipage de les attendre. Valentine, appuyée sur le bras de sa nourrice, s'enfonça dans un des chemins tortueux qui descendent vers le ravin. Et M. Fort, prenant les devants, alla s'assurer par lui-même qu'il n'y avait personne de trop à la maison de Bénédicte. Louise avait, sous différents prétextes, renvoyé tout le monde. Elle était seule avec son malade endormi. Le médecin lui avait défendu de le prévenir, dans la crainte que l'impatience ne lui fût trop pénible et n'augmentât son irritation. Quand Valentine approcha du seuil de cette chaumière, elle fut saisie d'un tremblement convulsif. Mais M. Fort, venant à elle, lui dit « Allons, madame, il est temps d'avoir du courage et d'en donner à ceux qui en manquent. Songez que la vie de mon malade est dans vos mains. » Valentine, réprimant aussitôt son émotion avec cette force de l'âme qui devrait détruire toutes les convictions du matérialisme, pénétra dans cette chambre grise et sombre où gisait le malade, entre ses quatre rideaux de serge verte. Louise voulait conduire sa sœur vers Bénédicte, mais M. Fort, lui prenant la main, « Nous sommes de trop ici, ma belle curieuse. Allons admirer les légumes du jardin. Et vous, Catherine, dit-il à la nourrice, installez-vous sur ce banc, au seuil de la maison. Et si quelqu'un paraissait sur le sentier, frappez des mains pour nous avertir. » Il entraîna Louise, dont les angoisses furent inexprimables durant cet entretien. Nous ne saurions affirmer si une involontaire et poignante jalousie n'entrait pas pour beaucoup dans le déplaisir de sa situation et dans les reproches qu'elle se faisait à elle-même. Chapitre 26. Au léger bruit que firent les anneaux du rideau en glissant sur la tringle rouillée, Bénédicte se souleva à demi éveillée et murmura le nom de Valentine. Il venait de la voir dans ses rêves. Mais quand il la vit réellement devant lui, il fit un cri de joie que Louise entendit du fond du jardin et qui la pénétra de douleur. « Valentine, dit-il, est-ce votre ombre qui vient m'appeler ? Je suis prêt à vous suivre. » Valentine se laissa tomber sur une chaise. « C'est moi qui viens vous ordonner de vivre, » lui répondit-elle, « ou vous priez de me tuer avec vous. » « Je l'aimerais mieux ainsi, » dit Bénédicte. « Oh, mon ami, » dit Valentine, « le suicide est un acte impie. Sans cela, nous serions réunis dans la tombe. Mais Dieu le défend. Il nous maudirait, il nous punirait par une éternelle séparation. » Acceptons la vie, quelle qu'elle soit. N'avez-vous pas en vous une pensée qui devrait vous donner du courage? Laquelle, Valentine, dites-la. Mon amitié n'est-elle pas... Votre amitié? C'est beaucoup plus que je ne mérite, madame. Aussi, je me sens indigne d'y répondre, et je n'en veux pas. Ah, Valentine, vous devriez dormir toujours. Mais la femme la plus pure redevient hypocrite en s'éveillant. Votre amitié. Oh, vous êtes égoïste. Vous ne vous souciez pas de mes remords. Madame, je les respecte. C'est pour cela que je veux mourir. Qu'êtes-vous venu faire ici? Il fallait abjurer toute religion, tout scrupule, et venir à moi pour me dire « Vis et je t'aimerai ». Ou bien il fallait rester chez vous, m'oublier et me laisser périr. Vous ai-je rien demandé? Ai-je voulu empoisonner votre vie? Me suis-je fait un jeu de votre bonheur, de vos principes? Ai-je imploré votre pitié seulement? Tenez, Valentine, cette compassion que vous me témoignez, ce sentiment d'humanité qui vous amène ici, cette amitié que vous m'offrez, tout cela, ce sont de vains mots qui m'eussent trompé il y a un mois, lorsque j'étais un enfant et qu'un regard de vous me faisait vivre tout un jour. À présent, j'ai trop vécu. J'ai trop appris les passions pour m'aveugler. Je n'essaierai plus une lutte inutile et folle contre ma destinée. Vous devez me résister, je le sais. Vous le ferez, je n'en doute pas. Vous me jetterez parfois une parole d'encouragement et de pitié pour m'aider à souffrir. Et encore, vous vous la reprocherez comme un crime. Et il faudra qu'un prêtre vous en absolve pour que vous vous la pardonniez. Votre vie sera troublée et gâtée par moi. Votre âme, sereine et pure jusqu'ici, sera désormais orageuse comme la mienne. Ah, Dieu ne plaise. Et moi, en dépit de ces sacrifices qui vous sembleront grands, je me trouverai le plus misérable des hommes. Non, non, Valentine, ne nous abusons pas. Il faut que je meure. Tel que vous êtes, vous ne pouvez pas m'aimer sans remords et sans tourments. Je ne veux point d'un bonheur qui vous coûterait si cher. Loin de vous accuser, c'est pour votre vertu, pour votre force que je vous aime avec tant d'ardeur et d'enthousiasme. Restez donc tel que vous êtes. Ne descendez pas au-dessous de vous-même pour arriver jusqu'à moi. Vivez et méritez le ciel. Moi, dont l'âme est au néant, j'y veux retourner. Adieu, Valentine. Vous êtes venue me dire adieu. Je vous en remercie. Ce discours, dont Valentine ne sentit que trop toute la force, la jeta dans le désespoir. Elle ne sut rien trouver pour y répondre et se jeta la face contre le lit en pleurant avec une profonde amertume. Le plus grand charme de Valentine était une franchise d'impression qui ne cherchait jamais à abuser ni elle-même ni les autres. Sa douleur fit plus d'effet sur Bénédicte que tout ce qu'elle eût pu dire. En voyant ce cœur si noble et si droit se briser à l'idée de le perdre, il s'accusa lui-même. Il saisit les mains de Valentine, elle pencha son front vers les siennes et les arrosa de larmes. Alors, il fut comme inondé de joie, de force et de repentir. « Pardon, Valentine, s'écria-t-il, je suis un lâche et un misérable, moi qui vous fais pleurer ainsi. Non, non, je ne mérite pas ces regrets et cet amour. Mais Dieu m'est témoin que je m'en rendrai digne. Ne m'accordez rien, ne me promettez rien, ordonnez seulement, et j'obéirai. Oh oui, c'est mon devoir. Plutôt que de vous coûter une de ces larmes, je dois vivre, fussé-je malheureux. Mais avec le souvenir de ce que vous avez fait pour moi aujourd'hui, je ne le serai pas, Valentine. Je jure que je supporterai tout, que je ne me plaindrai jamais, que je ne chercherai point à vous imposer des sacrifices et des combats. Dites-moi seulement que vous me plaindrez quelquefois dans le secret de votre cœur. Dites que vous aimerez Bénédicte en silence et dans le sein de Dieu. Mais non, ne me dites rien, ne m'avez-vous pas tout dit? Ne vois-je pas bien que je suis ingrat et stupide d'exiger plus que ces pleurs et ce silence? N'est-ce pas une chose étrange que le langage de l'amour? Et pour un spectateur froid, quelle inexplicable contradiction que ce serment de stoïcisme et de vertu, scellé par des baisers de feu, à l'ombre d'épais rideaux sur un lit d'amour et de souffrance. Si l'on pouvait ressusciter le premier homme à qui Dieu donna une compagne avec un lit de mousse et la solitude des bois, en vain peut-être chercherions-nous dans cette âme primitive la puissance d'aimer. De combien de grandeur et de poésie le trouverions-nous ignorant? Et que dirions-nous si nous découvrions qu'il est inférieur à l'homme dégénéré de la civilisation? Si ce corps athlétique ne renfermait qu'une âme sans passion et sans vigueur? Mais non, l'homme n'a pas changé, et sa force s'exerce contre d'autres obstacles, voilà tout. Autrefois, il domptait les ours et les tigres. Aujourd'hui, il lutte contre la société pleine d'erreurs et d'ignorance. Là est sa vigueur, son audace et peut-être sa gloire. À la puissance physique a succédé la puissance morale. À mesure que le système musculaire s'énervait chez les générations, l'esprit humain grandissait en énergie. La guérison de Valentine fut prompte. Celle de Bénédicte plus lente, mais miraculeuse néanmoins, pour ceux qui n'en surent point le secret. Madame de Rimbaud, ayant gagné son procès, succès dont elle s'attribue à tout l'honneur, revint passer quelques jours auprès de Valentine. Elle ne se fut pas plutôt assurée de sa guérison qu'elle repartit pour Paris. En se sentant débarrassée des devoirs de la maternité, il lui sembla qu'elle rajeunissait de 20 ans. Valentine, désormais libre et souveraine dans son château de Rimbaud, resta donc seule avec sa grand-mère, qui n'était pas, comme on sait, un mentor incommode. Ce fut alors que Valentine désira se rapprocher réellement de sa sœur. Il ne fallait que l'assentiment de monsieur de Lansac, car la marquise reverrait certainement avec joie sa petite-fille. Mais jamais M. de Lansac ne s'était prononcé assez franchement à cet égard pour inspirer de la confiance à Louise. Et Valentine commençait aussi à douter beaucoup de la sincérité de son mari. Néanmoins, elle voulait à tout risque lui offrir un asile dans sa maison et lui témoigner ostensiblement sa tendresse, comme une espèce de réparation de tout ce qu'elle avait souffert de la part de sa famille. Mais Louise refusa positivement. « Non, chère Valentine, lui dit-elle, je ne souffrirai jamais que pour moi tu t'exposes à déplaire à ton mari. Ma fierté souffrirait de l'idée que je suis dans une maison d'où l'on pourrait me chasser. Il vaut mieux que nous vivions ainsi. Nous avons désormais la liberté de nous voir. Que nous faut-il de plus? D'ailleurs, je ne pourrais m'établir pour longtemps à Rimbaud. L'éducation de mon fils est loin d'être finie, et il faut que je reste à Paris pour la surveiller encore quelques années. Là, nous nous verrons avec plus de liberté encore, mais que cette amitié reste entre nous un doux mystère. Le monde te blâmerait certainement de m'avoir tendu la main. Ta mère te maudirait presque. Ce sont là des maîtres injustes qu'il faut craindre, et dont les lois ne seraient pas impunément bravées en face. Restons ainsi. Bénédicte a encore besoin de mes soins. Dans un mois au plus, il faudra que je parte. En attendant, je tâcherai de te voir tous les jours. » En effet, elles eurent de fréquentes entrevues. Il y avait dans le parc un joli pavillon où M. de Lansac avait demeuré durant son séjour à Rimbaud. Valentine le fit arranger pour s'en servir comme de cabinet d'études. Elle y fit transporter des livres et son chevalet. Elle y passait une partie de ses journées et le soir, Louise venait l'y trouver et causer pendant quelques heures avec elle. Malgré ses précautions, l'identité de Louise était désormais bien constatée dans le pays. Et le bruit avait fini par en venir aux oreilles de la vieille marquise. D'abord, elle en avait éprouvé un sentiment de joie aussi vif qu'il lui était possible de le ressentir, et s'était promis de faire venir sa petite fille pour l'embrasser. Car Louise avait été longtemps ce que la marquise aimait le mieux dans le monde. Mais la demoiselle de compagnie, qui était une personne prudente et posée, et qui dominait entièrement sa maîtresse, lui avait fait comprendre que Madame de Rimbaud finirait par apprendre cette démarche et qu'elle pourrait s'en venger. « Mais qu'ai-je à craindre d'elle à présent ?» avait répondu la marquise. « Ma pension ne doit-elle pas être désormais servie par Valentine ? Ne suis-je pas chez Valentine ? Et si Valentine voit sa sœur en secret, comme on l'assure, ne serait-elle pas heureuse de me voir partager ses intentions ?»« Madame de Lansac, » répondit la vieille suivante, « dépend de son mari. Et vous savez bien que Monsieur de Lansac et vous n'êtes pas toujours fort bien ensemble. Prenez garde, Madame la Marquise, de compromettre par une étourderie l'existence de vos vieux jours. Votre petite fille n'est pas très empressée de vous voir, puisqu'elle ne vous a point fait part de son arrivée dans le pays. Madame de Lansac elle-même n'a pas jugé à propos de vous confier ce secret. Mon avis est donc que vous fassiez comme vous avez fait jusqu'ici, c'est-à-dire que vous ayez l'air de ne rien voir au danger où les autres s'exposent, et que vous tâchiez de maintenir votre tranquillité à tout prix. » Ce conseil avait dans le caractère même de la marquise un trop puissant auxiliaire pour être méconnu. Elle ferma donc les yeux sur ce qui se passait autour d'elle, et les choses en restèrent à ce point. Athénaïs avait été d'abord fort cruelle pour Pierre Bluty, et pourtant elle avait vu avec un certain plaisir l'obstination de celui-ci à combattre ses dédains. Un homme comme Monsieur de Lansac se fut retiré piqué dès le premier refus. Mais Pierre Bluty avait sa diplomatie qui en valait bien une autre. Il voyait que son ardeur à mériter le pardon de sa femme, son humilité à l'implorer, et le bruit un peu ridicule qu'il faisait devant 30 témoins de son martyre, flattaient la vanité de la jeune fermière. Quand ses amis le quittèrent le soir de ses noces, quoiqu'il ne fût pas encore rentré en grâce en apparence, un sourire significatif qu'il échangea avec eux leur fit comprendre qu'il n'était pas aussi désespéré qu'il voulait bien le paraître. En effet, laissant Athénaïs barricader la porte de sa chambre, il imagina de grimper par la fenêtre. Il serait difficile de n'être pas touché de la résolution d'un homme qui s'expose à se casser le cou pour vous obtenir. Et le lendemain, à l'heure où l'on apporta au milieu du repas la nouvelle de la mort de Bénédicte à la femme de Pierre Bluty, Athénaïs avait une main dans celle de son mari, et chaque regard énergique du fermier couvrait de rougeur les belles joues de la fermière. Mais le récit de cette catastrophe réveilla l'orage assoupi. Athénaïs jeta des cris perçants. Il fallut l'emporter de la salle. Le lendemain, dès qu'elle eut appris que Bénédicte n'était point mort, elle voulut aller le voir. Bluty comprit que ce n'était pas le moment de la contrarier, d'autant plus que son père et sa mère lui donnaient l'exemple et couraient auprès du moribond. Il pensa qu'il ferait bien d'y aller lui-même et de montrer ainsi à sa nouvelle famille qu'il était disposé à déférer à leurs intentions. Cette marque de soumission ne pouvait pas compromettre sa fierté auprès de Bénédicte, puisque celui-ci était hors d'état de le reconnaître. Il accompagna donc Athénaïs, et quoique son intérêt ne fût pas fort sincère, il se conduisit assez convenablement pour mériter de sa part une mention honorable. Le soir, malgré la résistance de sa fille, qui voulait passer la nuit auprès du malade, Madame Léry lui ordonna de se mettre en route avec son mari. Tête à tête dans la carriole, les deux époux se boudèrent d'abord, Et puis Pierre Bluty changea de tactique. Au lieu de paraître choqué des pleurs que sa femme donnait au cousin, il se mit à déplorer avec elle le malheur de Bénédicte et à faire l'oraison funèbre du mourant. Athénaïs ne s'attendait point à tant de générosité. Elle tendit la main à son mari et, se rapprochant de lui, « Pierre, lui dit-elle, vous avez un bon cœur. Je tâcherai de vous aimer comme vous le méritez. » Quand Bluty vit que Bénédicte ne mourait point, il souffrit un peu plus des visites de sa femme à la chaumière du ravin. Cependant, il n'en témoigna rien. Mais quand Bénédicte fut assez fort pour se lever et marcher, il sentit sa haine pour lui se réveiller, et il jugea qu'il était temps d'user de son autorité. Il était dans son droit, comme disent les paysans avec tant de finesse, lorsqu'ils peuvent mettre l'appui des lois au-dessus de la conscience. Bénédicte n'avait plus besoin des soins de sa cousine, et l'intérêt qu'elle lui marquait ne pouvait plus que la compromettre. En déduisant ses raisons à sa femme, Bluty mit dans son regard et dans sa voix quelque chose d'énergique qu'elle ne connaissait pas encore, et qui lui fit comprendre admirablement que le moment était venu d'obéir. Elle fut triste pendant quelques jours, et puis elle en prit son parti. Car si Pierre Bluty commençait à faire le mari à certains égards, sous tous les autres il était demeuré amant passionné. Et cela fut un exemple de la différence du préjugé dans les diverses classes de la société. Un homme de qualité et un bourgeois se fussent trouvés également compromis par l'amour de leur femme pour un autre. Ce fait avéré, ils n'eussent pas recherché Athénaïs en mariage. L'opinion les eût flétris. Eussent-ils été trompés, le ridicule les eût poursuivis. Tout au contraire, la manière savante et hardie dont Bluty conduisit toute cette affaire lui fit le plus grand honneur parmi ses pareils. « Voyez Pierre Bluty !» se disait-il lorsqu'il voulait citer un homme de résolution. « Il a épousé une petite femme bien coquette, bien revêche, qui ne se cachait guère d'en aimer un autre, et qui, le jour de ses noces, a fait un scandale pour se séparer de lui. Eh bien, il ne s'est pas rebuté. Il est venu à bout, non seulement de se faire obéir, mais de se faire aimer. C'est là un garçon qui s'y entend. Il n'y a pas de danger qu'on se moque de lui. » Et, à l'exemple de Pierre Bluty, chaque garçon du pays se promettait bien de ne jamais prendre au sérieux les premières rigueurs d'une femme.